Exercice 12, page 157. Oscar râle en se levant du canapé. Il retire ensuite sa veste de costume et remonte les manches de sa chemise.